Je viens de poser la veste parce que je vais jouer du violon de zigane. Et le violon de zigane se joue sans veste. C'est pour ça que je joue du violon de zigane. Et puis mon oncle m'a dit, le violon, deux choses l'une, ou tu joues juste ou tu joues de zigane. Moi, j'ai pas tellement le choix, je joue de zigane. Il y en a qui prétendent que le violon ne supporte pas la médiocrité, c'est faux. Le violon supporte la médiocrité. La preuve,